Vert. Alors nous avons Mouloud avec nous, on va voir ce qu'il en pense. Bonjour Mouloud. Oui, bonjour. Alors moi, j'interviens sur un autre sujet, ça n'a rien à voir avec de quoi vous parlez. C'est juste pour rebondir sur un sujet qui vient de passer il y a quelques temps, et c'est pour remettre les points sur les i, hein, pour rétablir la vérité, pour rendre à César ce qui appartient à César. Et je me souviens, il y a quelques temps, il y a la mort de Gina Hallyday. Hein. Alors tous les médias ont fait un hommage national, du président, du président politique, de la bien-pensance, etc. C'est un bel artiste, etc. Or, pourquoi je veux rendre à César ce qui appartient à César, c'est que moi je me souviens qu'en 2009, hein, en 2009, lors de la mort de Michael Jackson, hein, là ce n'est plus un artiste. Michael Jackson, c'est de la musique. Hein. Durant sa vie, même après sa mort, on a toujours un ange de la musique. Je me souviens des attaques, mais vraiment dégueulasses sur sa personne. Parce qu'on sait, et tout le monde sait, il y a des biographies, c'est pour ça qu'on en parlait, il y avait des personnes pas très loin de son entourage. Hein, qui... Alors, excuse-moi, Mouloud, est-ce que tu as mis ton téléphone sur haut-parleur ou quelque chose comme ça, puisqu'on a un peu du mal à t'entendre? Oui, vous m'entendez bien là? Oui, là, c'est bien. Oui, oui, voilà. Alors, je disais qu'on le sait qu'il a été victime d'escroquerie. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient lui faire sa peau. Hein. Je me souviens, quand il venait tout juste de mourir, alors toutes ces polémiques, mais vraiment dégueulasses sur lui, on lui a sorti ses affaires de pédophilie, or que c'était faux, il s'avère que tout était faux, on a voulu le descendre. Hein. Ses affaires, comme quoi il était frustré, il ne voulait pas être noir, alors il a fait une opération pour devenir blanc, etc. Or que c'est faux, c'est qu'il avait une maladie de la peau, et qu'il allait le blanchir, etc. Pourquoi je dis que c'est au-delà de l'artiste de la musique, c'était un ange de la musique. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, que Michael Jackson, c'est le seul chanteur dans les années 80-90, quand l'Amérique a été dans des tensions raciales très très graves, et comme l'origine, malheureusement, les émeutes de Los Angeles, où la communauté noire et latino s'est révoltée contre les bavures policières racistes. Hein. Michael Jackson, c'est le seul dans ses concerts qui rassemblait les blancs et les noirs. Hein. C'est le seul. Hein. A contrario, je ne compare pas l'incomparable, mais Gina Hallyday, dans ses concerts, c'est homogène. Il a un public bien défini, bien précis. Hein. C'est un public qui, pour certains, et c'est pas moi qui le dis, c'est les fiches des anciens renseignements généraux, avant qu'ils passent en DTRI, qu'effectivement, il y avait toujours un faible risque de rassemblement des gens d'extrême droite au concert de Gina Hallyday. Hein. Moi, je ne critique pas. Chaque artiste peut. Il a un public. C'est pas ça qui est méchant. Mais on ne peut pas comparer l'incomparable. Michael Jackson, c'est quelqu'un qui fédérait les blancs et les noirs. Hein, en plein tension raciale aux États-Unis et partout dans le monde. Hein. Et l'hommage qu'il aurait dû avoir n'a pas eu lieu. Les médias l'ont craché dessus. Hein. Et ça, c'est une honte. Ça, c'est ça que je veux remettre la vérité à sa place. Hein. Parce qu'on ne peut pas comparer l'incomparable et l'incomparable à Michael Jackson, ça n'a rien à voir avec les journalités. Et ça n'aura encore rien à voir avec lui. Voilà. Hein. On n'a pas rendu hommage comme il fallait à Michael Jackson. Voilà. À tous les blancs, tous les noirs qui l'aimaient et qui fédéraient de par ses musiques et de par le talent indétrônable qu'il a. Voilà. Alors, l'hommage qu'il y a eu à Gina Hallyday, c'est un hommage hypocrite avec des relents racistes. Je le dis avec des relents racistes. Hein. Une personne qui a un public blanc, il n'y a rien de méchant. Je vois pas, oui, il n'y a pas beaucoup de maghrébins, de noirs qui écoutent Gina Hallyday. Il n'y a rien de raciste, etc. Mais qu'on essaie de nous faire croire que s'il n'y a pas des arabes et des noirs, c'est-à-dire que c'est un public raciste, que les blancs, les arabes et les noirs n'écoutent pas la culture française qui est l'incarnation de Gina Hallyday, c'est n'importe quoi, du délire. Voilà. Et Gina Hallyday, il avait beaucoup de casseroles et beaucoup de dossiers. Et ils ont été soigneusement mis de côté. Parce qu'on a, préféré lui rendre un hommage après sa mort. Chose qui n'a pas été faite avec Michael Jackson. Hein, qui lui a combattu les discriminations et le racisme, de par ses chansons et de par sa vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, Mouloud, par rapport à ton intervention concernant le public de Johnny Hallyday, en tout cas, je ne pense pas que tu aies de source concrète pour qu'on puisse aller vérifier de quelle nationalité et de quelle origine étaient ses fans. Mais en tout cas, ce qu'on sait et ce qu'on a vu grâce aux vidéos le jour de l'hommage national populaire de Johnny Hallyday, c'est qu'il y avait des millions de Français de toutes les couleurs réunis pour lui rendre hommage. Alors comment est-ce que tu peux expliquer ceci? Non mais moi j'ai pas vu, moi j'ai vu que des blancs et c'est pas une insulte, c'est pas méchant, pour moi ça me gêne pas. Et moi ça me gêne pas du tout, je dis pas que ça me gêne pas, c'est tout. Qu'un chanteur a un public d'asiatique ou un autre chanteur a des publics d'africains, dans les concerts de rail il y a que des maghrébins. Ce que je veux dire que voilà, c'est que non, mais c'est truc, il n'y a pas de français, donc machin, raciste, de pas racialiser. C'est pas méchant. Pour moi, dans le public de Johnny Hallyday, c'est un public blanc. Hein. Et parmi ce public blanc, et ça c'est pour ma publique, c'est les rapports des renseignements généraux, qui avait un petit noyau d'extrême droite. Et pour moi, ça ne me gêne pas. Je vois pas, faut pas aller à l'absurde. Voilà. Et on a essayé de racialiser ce problème-là. À l'hommage de Dinaïd, oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'arabes et de noirs. Bah, les arabes et les noirs, ils ont chacun ses goûts. Hein. Voilà quoi, je me souviens, le président du club de Nice, le président du club de Nice, dans les années 2000, devait louer son stade à Nice pour un concert de Dinaïd. Il a dit ouvertement aux médias qu'il voulait une forte présence policière parce qu'il restait dans un rassemblement du Front National, de l'extrême droite. Et j'invente rien. Hein. Et que son public, moi j'ai vu qu'un public de temps. Pourquoi ça moi ça ne me gêne pas. Je ne gêne pas du tout. Mais ce que je veux remettre, en place, c'est quoi? C'est l'hommage, le faux hommage qu'il y a eu à la mort de Michael Jackson. La mort de Michael Jackson, on l'a craché dessus. Hein. On l'a craché dessus comme une merde. Or que pour moi, artistiquement et tout ce qu'on veut, on ne peut pas comparer Michael Jackson et Johnny Hallyday. De par sa musique et Michael Jackson n'a pas mérité l'hommage qu'il devait lui rendre. Parce que dans ses concerts, par contre, et là je te dis, tu peux aller regarder dans tous les vidéos, dans tout le truc, il y avait des blancs et des noirs. Il fédérait tout le monde. Et lui, c'était quelqu'un qui était contre la discrimination, contre le racisme et contre la violence tout court. D'accord. Bien, merci d'avoir partagé ton avis, Mouloud. Au revoir.